Car rassurez-vous à celle qui osera toucher à Michel, on ne s'attaque pas sans conséquence à la réputation de Michel Monument. Michel Monument. Michel Monument. C'est un très très grand artiste, vous diront les journalistes, doublé de puissant homme d'affaires, vous racontera la mer. Michel Monument. Michel Monument. Michel Monument. Il est interdit de dire du mal d'un aussi important animal. Auriez-vous quelques minutes de votre si précieux temps à nous accorder?